volte d'humaine, maudite poil légère, qui va corrompir ici-bas. Maudit soit tout ce qui nous leurre, bon espoir qui passe avec l'heure, rêve d'amour ou de combat. Maudit soit le bonheur, maudite la science, la prière et la foi. Maudite sois-tu, patience, à moi, Satan. Ta surprise, ne suis-je pas mise à ta guise, et fait au côté la plume au chapeau, l'escarcelle pleine, un riche manteau sur l'épaule, en somme, un vrai gentilhomme. Eh bien, docteur, que me veux-tu? Voyons, parle, me fais-je peur? Non, que veux-tu de ma puissance? Peut-être, mais la drogue à l'épreuve. Attends, puisse la ta reconnaissance. Avec Satan, l'on a doit user d'autres sortes, et qu'il n'était pas besoin de l'appeler de si loin pour le mettre ensuite de la porte. Et que peux-tu pour moi? D'abord ce que tu veux, est-ce de l'or, prête de la richesse? Bon, je vois sur le bas te blesse. Qui veut la gloire, l'histoire, la puissance? Non, mon trésor qui les contient tous. À moi leur caresse, à moi leur plaisir, à moi l'énergie des astres puissants, et la polarité du corps et des sens, ardente jeunesse, à moi tes désirs, à moi ton ivresse, à moi tes plaisirs, à moi ton ivresse, à moi. Allons, Seigneur. forte décidée. La jeunesse t'appelle. À moi de plaisir, à moi de plaisir, à moi de plaisir, à moi de plaisir.